As-tu lu ma silhouette? As-tu vu sur le net? As-tu lu mon profil? Que penses-tu de mon style? Comprends-tu mes dessins? As-tu fait tous les liens? M'as-tu mis sur ta liste? Téléchargé des pistes? As-tu vu les dentelles qui recouvrent mes ailes? Les saphirs, les diamants incrustés sur mes dents? As-tu vu les canis qui pointent sous mes babines? Aimes-tu mes chansons? Mais fais attention, m'as-tu vu en vrac? Tête de nœud, tête à claque. M'as-tu vu en vrac? Je suis un ours et carpate, un chanteur psychopathe. M'as-tu vu en vitrine, en artiste anonyme? M'as-tu vu à la peine, en ville comme à la scène? As-tu vu mes grimaces le matin dans la glace? As-tu senti la bosse qui enfle sous ma poche? As-tu vu mes hormones, mon bilan carbone? Décrypter tous mes gènes, coder mon ADN? As-tu lu mon dossier, découvert mes secrets? Aimes-tu mes chansons? Mais fais attention, m'as-tu vu en vrac? Tête de nœud, tête à claque. Je suis un ours à carpates, un chanteur psychopathe. As-tu vu en vrac? Tête de nœud, tête à claque. M'as-tu vu en vrac? Je suis un ours et carpate, un chanteur psychopathe.